Un invité, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Pierre Paulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en 1985 dans l'Ariège, et c'est pour continuer à apprendre à manier les baguettes que vous arrivez à Toulouse au milieu des années 2000. D'abord à l'école Agostini, ensuite au conservatoire de Toulouse, et puis vous partez un peu plus loin pour continuer au conservatoire de Montpellier. Assez vite, vous devenez ensuite un des piliers de la scène toulousaine. On vous voit accompagner alors les pianistes Philippe Laudet, Amaury Faye. Vous rejoignez Puccinella il y a une douzaine d'années en remplacement de Frédéric Cavalin, où votre jeu rugueux, rentre dedans, parfois sauvage, amène le quartet Puccinella vers des rivages nettement plus rock'n'rollesques. Et puis votre curiosité tout azimut vous amène, Pierre Paulet, à jouer avec Hermeto Pasquale, Emmanuel Bex, le joueur d'orgue Enzo Corman. Vous intégrez l'Initiative H de David Odrochi ou le Jazz Odyssée de Philippe Laudet. On vous voit jouer dans le groupe Hancock en Stock, dédié à la musique d'Herbie Hancock. Dans ces dernières formations, vous côtoyez régulièrement le saxophoniste Ferdinand Doumerc, avec qui vous formez il y a une dizaine d'années, avec un troisième compère, Bastien Andrieux, au clavier, le trio Mowgli, qui vient tout juste de sortir Gueule de Bois, deuxième album épatant au groove urbain syncopé. dont nous venons d'écouter « Grand Têtard ». En septembre, on vous a vu lors d'une carte blanche que vous a laissé la salle Le Taquin jouer avec le trio Paulet-Storé-Manchon, un jazz que je qualifierais d'assez classique le premier soir pour exploser votre jeu de baguette le lendemain dans Tabanard, le duo Noise que vous formez avec Bastien Andrieux, et pour continuer avec Baril, un trio où vous côtoyez un quartet où vous côtoyez en particulier Mélanie Buzo et Juan Kowalski, le quatrième étant Bastien Andrieux. Évidemment. Rajoutez à cela votre présence dans le groupe d'électro pop and jazz Lyonnais Shape de la chanteuse Manon Chevalier, des piges très glorieuses comme lorsque vous avez remplacé Julien Barbagallo en mai dernier au sein de Hyperclean pour un concert de reformation de ce groupe Hyperclean qui n'aura sans doute pas de suite, mais c'était un sacré bon moment. On rajoute à cela vos propositions rythmiques et musical pour le collectif Petit Travers, un collectif créant des spectacles de jonglage, et vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que notre invité du soir est vraiment un artiste en perpétuel renouvellement. Deux, trois choses à rajouter dans ce rapide portrait, où on commence tout de suite la liste que vous nous avez amenée, Pierre Paulet. Alors à rajouter, écoute, ça fait longtemps que je suis à Toulouse, 20 ans, donc je pense que tu en as oublié, et j'en ai oublié aussi. Sûrement, parce que effectivement, vous avez pu jouer avec plein de formations, j'allais dire éphémères, qui se montent aussi, pour 2, 3, 4 dates sur des répertoires spécifiques, mais qui ne peuvent pas être tenus, parce que la plupart du temps, vous avez des emplois du temps. Oui, des agendas qui ne fonctionnent pas, ou même des groupes que j'ai pu intégrer, mais que j'ai dû partir, parce que bah justement, il y a encore une question d'agenda. Je pense à Matayo, par exemple, avec Mathieu Royer, groupe de Mathieu Royer. Et puis, pas mal de remplacements aussi, notamment au sein des Headbangers, par exemple. J'ai un peu roulé ma bosse, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que je le disais, ce qui fait que vous êtes un des piliers de cette scène musicale, parce que c'est au-delà du jazz, cette scène musicale dont nous allons parler pendant l'heure qui vient, à travers une liste que vous nous avez amenée, 10 morceaux de musique qui sont un peu le reflet de votre histoire artistique. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses où on ne vous attend pas. Pierre Paulet, ça commence tout de suite. Premier extrait de votre liste, deux mots sur ce groupe de percussionnistes africains. Alors ça c'est une sacrée histoire. En gros, moi je suis né dans une famille pas de musiciens, mais on écoutait énormément de musique à la maison. Et en fait, on allait beaucoup en festival aussi, quand j'étais en Ariège. Et à l'âge de 5 ans, en festival, je tombe sur un groupe de djembé fola, comme on vient d'entendre. Et je crois que c'est ce groupe-là qui jouait à ce moment-là. Donc c'est il y a 32 ans. Il y a 32 ans maintenant. Et je suis resté subjugué devant la scène face à cette musique plein d'énergie, plein de... Et puis la danse, et puis les costumes, et puis le son et tout ça. Et mes parents sont aperçus que j'avais été subjugué par ce concert et m'ont inscrit... Bon, je tapais déjà partout à la maison, m'ont inscrit à l'école de musique. Donc ça, c'est un petit peu mes débuts, on va dire, quoi, dans le rythme et et la découverte de la musique. Ça a été vraiment l'Afrique, quoi. Ces musiciens venaient d'où ? De Guinée. De Guinée. Et par la suite, ce qui est assez drôle comme histoire, c'est que... école de musique, donc, pour commencer à l'âge de 6 ans. Donc, elle se fait où, là, C'était à Pamiers, pour commencer. À Pamiers, ensuite, je suis allé à Foix. Et entre les deux, mon père a rencontré un Allemand, Chris, qui lui avait vécu 10 ans au Sénégal et qui avait appris auprès d'un grand maître le djembé et aussi plein d'autres instruments, plein de chants, plein de tout ce qui est body percussion, tout ce qui est voilà. Et c'est un gars, Chris, très créatif, qui a inventé plein d'instruments, qui écrit énormément de musique. Et en fait, à l'âge de 8 ans, je me suis retrouvé dans un de ses ateliers avec, on va dire, ouais, on était deux, il y avait Samir aussi, deux du même âge. Et sinon, c'était, ben, sans être péjoratif, mais des vieux ariégeois, quoi. Voilà, et en fait, ça m'a vraiment permis d'avoir le parallèle entre l'école de musique où c'est très, on va dire, le solfège. Là, c'était vraiment tambour, marche napoléonienne et compagnie. Donc, je jouais pas de batterie à l'époque, c'était vraiment que de la caisse claire. Et à côté de ça, il y avait cet espace de respiration et de liberté qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Je m'en rendais pas compte sur le moment, mais par la suite, je me suis dit, tiens, là j'ai tenu un truc à ce moment-là, je pense. À l'école de musique, on vous préparait plutôt pour intégrer l'harmonie du village. Exactement, l'harmonie du village ou justement peut-être l'armée ou je ne sais quoi. Mais bon, qui est une très bonne école aussi. Hein. Je crache absolument pas dans la soupe. Ça m'a beaucoup appris. J'ai su lire la musique avant de savoir lire à l'école. Ah ouais. Donc voilà. Mes premiers mots, ça a été do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, quoi. Ouais. Et voilà, je suis rentré au CP en même temps que le. L'école de musique. Donc voilà. J'ai appris à lire la musique en même temps que... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, un peu compliqué pour parler avec les copains quand même dans la cour de récréation. Oui, exactement. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, on fait un effort et on apprend d'autres mots. Nirvana, The Man Who Sold the World, l'homme qui vendit la planète. Extrait de ce concert mythique en acoustique pour une chaîne de télé musicale, MTV. Pourquoi ce morceau-là en particulier et cette version-là acoustique ? Alors, le morceau en particulier, j'ai pris celui-là parce que je suis très fan de David Bowie également, donc ça me permet de parler de deux choses sur un morceau. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est de la stratégie. Ouais. Exactement. Et après, ce disque-là en particulier, là, c'est la préadolescence, on va dire. J'avais acheté un magazine, le Rock and Folk à l'époque, le premier magazine de rock que j'ai acheté. Et en fait, c'était le décès de Kurt Cobain. Et en fait, ce personnage-là, j'avais jamais écouté la musique de Nirvana, jamais écouté la musique de Kurt Cobain. Mais je ne sais pas, rien que ça... Son visage, en fait, m'évoquait quelque chose de super chouette. Mmh. J'avais trop envie d'être comme lui. Donc, j'avais les cheveux longs, je m'étais fait percer les oreilles et tout. Donc, c'était, voilà, les chemises à carreaux, tout ça. Et en fait... Dans l'Ariège, look bûcheron, ça passe. Oui, là, ça passait crème, hein, complètement. Et non, et en fait, j'ai eu une espèce de maladie un peu bizarre qui m'a amené, quand j'étais en CM1, qui m'a amené à l'hôpital. Et... Même les médecins n'ont pas su ce que c'était. En fait, j'ai refusé du jour au lendemain de me nourrir, de boire et tout ça. Et en fait, voilà, je voulais plus. Et mes parents venaient me voir à l'hôpital. Je suis resté quand même une semaine. J'ai été sous perfusion pour me nourrir et tout. Et en fait, y a un ami de mon père qui débarque avec une cassette. Et c'était cette cassette-là. Et mon père m'avait amené un poste cassette à l'hôpital. On a mis la cassette. Et là, j'ai demandé... à manger, et on est rentré à la maison et j'ai écouté ça en boucle. J'ai tellement usé les bandes parce que je les avais réenregistrées sur une autre cassette, sachant que j'allais certainement les user et tout ça. Donc ça, c'est un morceau qui me tient énormément, enfin c'est un disque, on va dire, qui me tient vraiment à cœur parce qu'il m'a vraiment sorti de ouais. Cette période où personne ne comprenait ce qui se passait, même pas moi. Et voilà, mais juste d'entendre ça, ça m'a sorti du lit d'hôpital, quoi. Ouais, ouais, que Kurt Cobain ait pu vous sortir du lit alors qu'il venait de se flinguer. Alors qu'il venait de se flinguer, exactement. C'est quand même assez étonnant. C'est étonnant, ouais, complètement. Et David Bowie ? Bowie, ça j'ai découvert ça on va dire un petit peu plus tard, je savais pas du tout que c'était un morceau de David Bowie à l'époque, hein, ce morceau là donc ça non c'est ce qui tournait à la maison donc de parents quand même mélomanes, très branchés années 70 et c'est vrai que Bowie c'était pas non plus leur artiste préféré mais quand on allait dans des fêtes ou quoi, Bowie passait quand même assez régulièrement et j'ai découvert ça bien plus tard où je me suis épris de Bowie bien plus tard. Prince des monts en l'air et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait. Georges Brassens, comme troisième morceau de votre liste, Pierre Paulet, Stance à un cambrioleur. On rappellera simplement que cette chanson a été écrite par Georges Brassens suite à un cambriolage qu'il avait subi dans sa maison parisienne. Et puis donc, cette chanson est née commentaire à son cambrioleur. Pourquoi ce morceau? Je parlais tout à l'heure de ce que vous écoutiez à la maison, on parlait de Bowie, mais c'était la bande son, ça faisait partie de la bande son sur l'électrophone familial, Brassens? Alors complètement, à la maison, nous on a eu la télé très très très tard, et ce qu'on faisait c'était surtout le soir, on écoutait des disques en fait, c'était vraiment une des principales activités qu'on avait. Et mon père avait, je sais plus combien, 400, 500, 600 vinyles, c'était vraiment la folie. Et donc aussi bien la musique 70s, le rock, que la chanson française de l'époque. Et c'est vrai que Ferré, Brel et Brassens sont énormément tournés. Barbara aussi également. Il y en a tellement que j'ai du mal à tous les citer. Et Brassens, c'est une voix qui m'a vachement bercé, parce que c'est une voix de nounours un petit peu. Et c'est vrai que d'écouter Brassens quand on était môme avec mon frère avant d'aller se coucher, on faisait un gros dodo en général, parce que ça nous berçait vachement. Et pourquoi ce morceau? Ce morceau, je ne le connaissais pas à l'époque. C'est un ami, Jean-Pierre Santos, qui me l'a fait découvrir il y a quelques années. Et je l'ai trouvé vraiment génial, aussi bien la musique, l'écriture, la poésie, la rime, qu'est-ce que ça raconte, la gentillesse finalement de ce personnage aussi, de Brassens. On sent qu'il est pas du tout rancunier ou quoi que ce soit, mais quand même il faut faire attention. C'est super beau. Oui, il y a de l'empathie pour le voleur, mais faut pas qu'il revienne deux fois. Exactement, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y a de l'empathie quand même, et voilà ce qui pourrait manquer en ce moment d'ailleurs. Le monde de la chanson, bon, on vous connaît surtout comme un musicien de jazz, même si vous allez sans doute nous raconter qu'il n'y a pas eu que ça. Mais le monde de la chanson, c'est quelque chose qui vous est proche, cher, que vous voulez aller explorer un peu plus, ou pas du tout? Alors pourquoi pas? Alors j'en suis pas encore dans cette optique-là. J'ai joué à l'époque avec les Grandes Bouches il y a quelques années de ça. Mais c'était au moment où ils avaient leur spectacle jazz. Justement. Exactement, voilà, c'est celui, c'est là. Donc là, c'est là où ça a peut-être commencé un petit peu à se mêler aussi sur scène. Parce que sur scène, il y avait quand même pas que des manches au niveau de jazz. Si je me souviens bien, il y avait Greg Aguilar, il y avait Louis Navarro. Louis Navarro et Greg Aguilar, effectivement, on était en trio. Et c'est vrai que ça dépotait pas mal, effectivement. Et la chanson française, je crois que je commence, pas forcément la chanson française, mais la chanson en général, je crois que je commence à y revenir finalement, parce qu'il se passe vraiment des choses, il y a des choses tellement excellentes, notamment, enfin, un gars que j'adore, c'est Mathieu Bogart, tous ses derniers disques, ils sont vraiment fabuleux, et il les a enregistrés avec des musiciens de jazz, qui jouent du reggae sur les disques, et c'est d'une telle simplicité, fragilité, et je crois que j'écoute de plus en plus les textes maintenant. Avant, j'écoutais de plus beaucoup la batterie des groupes que j'écoutais, mais maintenant, on écoute un peu plus tout. C'est dans cet ordre d'idées que vous avez rejoint le trio de Manon Chevalier, Lioness and Shape. Lioness Shape, effectivement, c'était un moment, où elle était dans un tournant aussi avec le groupe, cherchait aussi un remplaçant, et quand elle me l'a proposé, j'ai été tout de suite séduit, effectivement, parce que il y a du chant. Elle chante en français, en anglais, en espagnol. Et il y a des textes. Et il y a des textes. Et voilà, et des textes qui sont, qui disent des choses, quoi. Voilà. Une façon différente de manier les baguettes quand on joue dans un groupe de jazz, d'électro-jazz, comme ce que vous pouvez faire avec Mowgli, de jazz un peu barré comme celui de Puccinella, ou carrément funk avec Hancock & Stock. C'est une manière différente d'appréhender le jeu des baguettes lorsqu'on arrive avec une chanteuse comme Manon Chevalier, qui est assez fragile aussi dans son expression vocale. Effectivement. C'est une façon différente ? Complètement. En général, quand on fait de la musique, on est au service des autres musiciens, et surtout quand on est batteur. Et là, l'approche, on est au service du texte aussi, et du chant et du texte, de la parole. Et ça veut dire qu'il faut tout faire pour mettre ça en valeur, et pas forcément se mettre en valeur ou mettre en valeur un soliste. Là, c'est vraiment mettre un morceau entier en valeur, parce que c'est une histoire de A à Z qui est raconté avec des mots et pas forcément qu'avec des notes. Donc effectivement, c'est une démarche tout à fait différente. Et tu parles de baguette, et je parlerai plus de ballet à cet endroit-là, par exemple, où on va juste être coloriste et essayer de mettre un petit peu des pigments comme ça au milieu du texte, plus que de battre la mesure comme... Comme vous pouvez le faire avec des groupes de jazz. Avec les autres. Ce qui est un autre aspect de votre jeu de batterie, je disais que avec les groupes dans lesquels on vous connaît actuellement, vous êtes plutôt rentre-dedans, un peu rock'n'roll, un peu sauvage. Lorsqu'on vous a vu remplacer Frédéric Cavalin dans Puccinella, c'est vrai qu'on a eu l'impression que d'un coup, la musique de ce groupe qu'on connaissait depuis déjà 7-8 ans prenait une autre dimension et pétait nettement plus fort. Ce qui s'est confirmé avec les années et avec les albums que vous avez enregistrés avec ce quartet. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi être nettement plus délicat, nettement plus pointilliste avec des balais ou avec des baguettes, mais vous n'êtes pas qu'un bûcheron. Ouais, exactement, il y a un petit cœur qui bat derrière tout ça. Et même, tu parles de balais, de baguettes, mais même de silence aussi. Et parce que le silence est quand même fait partie intégrante de la musique. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que les musiques que j'écoute beaucoup sont des musiques finalement très planantes, où il y a énormément d'espace. Et ce que j'ai tendance à jouer moi, c'est un peu l'inverse. Donc c'est assez étonnant. Mais pour revenir un peu à mon enfance, je pense que cette découverte des djembé fola guinéens là, a vraiment construit un petit peu la base de ce votre jeu. Exactement, du jeu, de l'engagement, de tout donner, et de la sueur, de tout ça. C'est vraiment ça qui m'a vraiment frappé. Et ensuite, j'ai pu découvrir, on va avancer un petit peu dans la liste et il y aura des petites choses, mais la musique plus spatiale. On n'en est pas encore là. Non. On ne va pas parler de musique planante avec le morceau qui suit. Carlos Santana, Soul Sacrifice, extrait du premier album de ce guitariste chicano, né au Mexique et installé ensuite aux États-Unis. Immense guitariste que j'ai eu la chance de voir à Albi au festival Post Guitar il y a 4-5 ans, je crois. Et il a toujours le même son de gratte. C'est incroyable. J'ai vu au Palais des Sports, j'avais 14 ou 15 ans. C'était la tournée Supernatural, il me semble. Exactement. Et où j'étais quand même beaucoup moins fan. Il y avait un côté beaucoup plus commercial dans cette musique-là. Avec ce jeune chanteur-là. Oui, alors je ne me rappelle plus du tout du nom. mais par contre, le son de Carlos, le son de Santana, quoi. Exactement. Il joue trois notes et tout de suite, on le reconnaît. Ouais. Pourquoi cet artiste à ce moment-là de votre liste? Alors, parce que c'est là où j'ai décidé que ça allait être mon métier. Ah ouais? Ouais. Je disais juste avant, je parlais des disques à la maison qu'on écoutait parce qu'on n'avait pas, on avait guère la télé. On a eu une télé un jour, mais on n'avait pas la télé, on avait un magnétoscope. Ah ouais. et une des premières VHS qui est arrivée à la maison, c'était celle-ci, c'était la double VHS de Woodstock. Ah ben oui. Et ça, on l'a regardé avec mon frère en boucle, en se disant on est vraiment né à la mauvaise période. Bon, pourtant, on avait 12-13 ans, mais on avait déjà cette sensation d'être né au mauvais moment. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas né dans ces années-là? Et mon père m'a... Bon, on écoutait beaucoup aussi Santana à la maison, quand même. Et quand je suis tombé sur la première fois sur ce solo de batterie live à Woodstock, là, c'est là où vraiment j'ai décidé que je voulais faire ça de ma vie, quoi. Avec en plus ce truc pour un adolescent qui découvre ce morceau à Woodstock, le batteur avait votre âge, il avait 16, 17, 18 ouais, ans. Ouais, c'est ça, exactement. Il nous a tous fait fantasmer. Complètement. Michael Shrieve. Ouais. Il nous a tous fait fantasmer. Mais comment quelqu'un d'aussi jeune peut se retrouver là, en aussi bonne compagnie? Sur ce plateau-là, devant ces millions de gens, c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est mes parents et l'entourage de mes parents, c'est un peu la première chose qu'ils m'ont dit, c'est tu sais quel âge il avait à ce moment-là. Et là, effectivement, le fantasme grossit. Et puis il y avait aussi, alors ça c'est un petit peu plus bête, mais il y avait ces fameux montages vidéo à la Woodstock, un peu kaléidoscope comme ça et tout. Où on voyait 3-4 images. Ouais, voilà, c'est ça, où des fois ça se rapprochait, ça se rééloignait et tout. Et c'est vrai qu'on était là, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Simplement, le caméraman avait fumé un joint. Ouais, certainement, on a appris ça plus tard. Led Zeppelin, on s'est presque évité le solo de flûte à bec pour tomber directement sur cette reprise de batterie sur ce morceau Stairway to Heaven de Led Zepp, 73, 74 ou 72 peut-être, enfin, dans ces eaux-là. Pourquoi ce morceau-là et cette reprise-là, puisque vous nous avez bien spécifié lorsqu'on a préparé cette liste que c'était à ce moment-là que vous vouliez qu'on attaque le morceau pour ne pas rater ce retour de la batterie dans ce morceau? Eh ben, le meilleur break du monde, c'est vraiment un des meilleurs breaks, le meilleur nom, mais un des meilleurs breaks du monde. C'est d'une simplicité incroyable et en même temps, toute la puissance que met John Bonham dans ce break, c'est super beau, c'est magnifique. Et surtout que les premières fois où on l'écoute, on s'attend pas vraiment à ce que ça rentre là, on s'attend juste à un morceau un peu folk, 70s, pétard, fumé, tout ça. Alors que là, quand ça rentre, et ben là, on est dans le rock'n'roll. Et voilà, John Bonham, pareil, quoi, un maître, quoi. C'est un sauvage, lui aussi. Un sacré, oui. Voilà, qui a brûlé la bougie par les deux bouts et qui... et voilà. Mais ce morceau et ce break, là, c'est, pour moi, ça a été... Ouais. Vous nous dites depuis le début de cette liste que la musique était quelque chose de très important et apparemment d'omniprésente dans l'univers familial. Lorsque vous arrivez après avoir vu en vidéo Santana à Woodstock en disant cette fois c'est sûr je vais être batteur, comment y réagissent vos parents? Alors Ils me poussent dans ce sens-là. Là, il n'y a jamais eu de soucis là-dessus. Ils ont quand même... Ils m'ont beaucoup aidé. Mon père a fait beaucoup de trajets pour que j'aille prendre des cours sur Toulouse alors qu'on était en Ariège, tout ça. Donc ils ont donné énormément de leur temps pour ça. Par contre, à côté, il fallait que je sois bon à l'école. Ah, ouais, ça, ouais. C'était la contrepartie. C'était le deal, exactement. Et bon, là, à l'école, ça roulait et tout. Et puis après, au fur et à mesure, quand on arrive au lycée, seconde, première, ouais. terminale, bon, on découvre aussi d'autres choses de la vie. Et la batterie est devenue à ce moment-là, pour moi, un échappatoire pour pas faire les devoirs de l'école. Je disais non, je vais plutôt aller faire 2 heures de batterie plutôt que, voilà, que les maths. Parce que je m'en fous un peu des maths. Voilà, et après ils m'ont dit ben, fais des études, donc je suis allé à la fac et au bout de 2 mois j'ai tout plaqué pour être musicien. Voilà. Fac, c'était quoi? Musicologie. Ah oui, carrément. Ouais, ouais. Ouais, ouais. De C à l'époque. C'était au Mirail. Au Mirail, exactement. Et en fait, j'ai rencontré. Voilà, on fait un petit bond dans le temps, mais j'ai rencontré Pierre Bozeran. Ah ouais. Le pianiste. Voilà, et avec qui on a été cul et chemise pendant des années à Toulouse. Mmh. J'avais ma batterie chez lui. On jouait, sans exagérer, entre 8 et 10 heures par jour, tous les jours. Et on a créé quand même une amitié musicale et amicale, voilà, très très très très forte. Voilà, donc en fait la fac ça a permis de nous rencontrer pour très vite arrêter ensuite. Voilà. On parle de Pierre Bozeran. J'étais en train de me dire que c'était avec lui que vous aviez rencontré Magali Pietri pour l'accompagner pendant un petit moment, et puis il y a un album qui est sorti de cette collaboration-là, qui a eu à peine le temps de sortir à la vente, puisque c'est à peu près le moment où Magali Pietri a dit « Allez, je me retire des voitures ». Mais Pierre Bozeran, c'était votre complice dans cette aventure avec Magali Pietri. Complètement. Et ça, c'est aussi une histoire où je venais de rentrer à la fac. Donc c'était en, je ne vais pas dire de bêtises dans les années, mais je venais d'avoir 18 ans. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ouais, ça rappelle quelque chose. Et donc ça faisait 2 mois que j'avais rencontré Pierre. Il me dit, c'était une soirée le 3 janvier, donc après Nouvel An. Il me dit, écoute, si tu as la possibilité, viens à Toulouse chez Magali et Étienne Choquet, qui étaient ensemble à l'époque. Viens à Toulouse, on organise une grosse jam. Donc là, je tanne mon père, je dis, papa, tu peux m'amener à Toulouse, s'il te plaît, tu peux m'amener à Toulouse. Il m'amène à Toulouse et là, on passe la nuit à faire de la musique. C'est là où j'ai rencontré Magali. C'est là, il y avait Ferdinand Doumer ce soir-là aussi. Il me semble que c'est la première fois que j'ai rencontré Ferdi aussi. Ça commence à dater, il y a 20 ans. Voilà, donc effectivement, ouais, c'est un peu le lien entre Magali, Ferdi, tout ça. L'accroche avec les musiciens de Toulouse, cette soirée-là, il y a un enregistrement de cette soirée. Ah ouais, ah ouais. Ça je suis preneur. Je suis vraiment preneur. et ça vous amène à jouer un soir au Mandala avec le trio qui accompagne Magali Pietri. Et c'est comme ça que moi, je vous découvre la première fois sur scène. D'accord. Et c'était avec qui ? Eh bien, il y avait Bozeran. Ah, et Thibaut. Et oui, Thibaut parce Soulas. Que... ouais, voilà, il y avait Thibaut Soulas. Ouais, c'est vrai. C'était le troisième de ce trio. Et c'est là que je vous vois pour la première fois. Et effectivement, vous étiez assez jeunette. Allez, on passe au morceau suivant. Continue, j'allais dire, dans le métal lourd, avec oui. Rage Against the Machine. On est vraiment à mille lieues de la musique dans laquelle on vous découvre de nos jours. Là, c'était plutôt, métal lourd, hard rock et compagnie. Une musique que vous écoutiez beaucoup, adolescent ? Complètement. Ouais. Ma crise d'adolescence, ça a été le métal. voilà, bah parce que je gravitais autour de moi des amis qui écoutaient beaucoup ça. C'était l'époque, les années 2000. C'était l'époque du néo-métal. C'était tous les groupes de métal étaient vraiment en vogue. Et Rage Against the Machine, avec Led Zeppelin, un des meilleurs groupes du monde de rock. Pareil, allez, c'est... on va mettre Metallica dans ce style. Je suis moins fan de Metallica. Moins écouté Metallica. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc de son de Metallica qui m'a jamais. Bon, après voilà, les goûts, les couleurs. Hein. Mais Rage Against the Machine, non, c'est. En fait, je retrouve dans le batteur Brad Wilk la même frappe que John Bonham. En fait, finalement, c'est d'une lourdeur implacable. Ça ne bouge pas. Ou quand ça bouge, c'est tout le monde bouge avec lui parce qu'on n'a pas le choix. et puis voilà, pareil, les textes aussi, puis les revendications, parce que c'est quand même un groupe activiste, tout ça, et militant. Et, sur l'écologie, sur la façon dont sont traités les émigrés mexicains qui arrivent en Californie. Ouais. Le racisme contre Wall Street, contre le capitalisme, contre tout ça. Et c'est vrai que quand on a 14-15 ans, on est un peu, et venant d'une famille gauche, on va dire, on a un peu ces idéaux-là aussi, et on le retrouve. Et moi, je les ai retrouvés dans tous ces groupes-là. C'est aussi l'époque où vous montez des groupes de rock, de métal dans l'Ariège. Carrément. Apparemment, bon souvenir, vous avez la banane lorsque vous dites ça. C'est les premiers groupes. J'en nommais encore. Il y a eu un trio où j'avais rencontré un guitariste qui s'appelait Damien Lopez, qui s'appelle toujours Damien Lopez, qui lui ne jouait que du Stevie Ray Vaughan et du Jimi Hendrix. Là, pareil, c'était à peu près ces années-là. On s'était rencontrés dans une jam et on a joué ça pendant des jours et des jours. C'était au moment où je travaillais aussi mon entrée pour le conservatoire. Et sinon, les groupes de rock, il y a eu Kéria Noir, il y a eu Strike, il y a eu... c'est tous les premiers groupes, C'était pas forcément que du métal, c'était aussi, notamment un des premiers groupes, on jouait aussi bien des morceaux de Ludwig von 88 que Apache. Ah ouais. Ça reviendra, mais d'un groupe anglais et j'ai complètement oublié le nom aussi. Le nom de ce groupe début des années 60. Exactement. Donc autant dire que nos sets, ils étaient un peu bizarres. Et musique instrumentale pour le coup. Complètement. Apache. Ces groupes-là, c'est dans l'Ariège. Ouais, ça c'était donc, l'Ariège. C'est quoi ? C'est vous jouiez sur les places de village l'été ? Il y avait un circuit, Alors il y avait un petit circuit. Après on jouait, on répétait beaucoup en fait. Ah. Et c'était c'était vraiment un prétexte pour se retrouver et boire des bières. Oui, très rock'n'roll quoi. Très rock'n'roll. Et après on jouait dans les rades quoi. En Ariège, on jouait à Foix, on jouait à la Vlanée. Et avec Kéria Noir, on a fait une belle scène. On avait fait la première partie de Burning Heads dans un festival. C'était l'époque de Burning Heads où ils avaient sorti un disque punk et un disque de dub. Et on avait eu l'occasion de faire leur première partie. C'était assez, assez fou. Apache, les Shadows. Les Shadows, mais oui, bien entendu. Ça y est, ça revient, la technique moderne. c'est assez formidable, merci Google. L'époque des groupes de musique dans le garage, quand vous rentrez à Agostini, c'est aussi avec cette idée de continuer un peu à jouer de manière lourde pour pouvoir vous lancer un peu dans le rock ? Où il y a déjà le jazz. Le jazz, non, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. À ce moment-là, il n'est pas encore là. L'idée d'Agostini, c'est l'idée de mon professeur Jean-Luc Santa Cruz, d'ailleurs, petite dédicace, qui m'a énormément apporté, qui me dit tente l'école d'Agostini, moi je suis passé par là, et franchement, là, tu as les armes pour essayer d'y rentrer. Et donc, j'ai tenté l'entrée, j'ai été reçu. Et c'était surtout dans l'optique d'aller un peu plus loin techniquement parlant, de travailler plus des choses techniques, on va dire, et de pouvoir en bénéficier pour aller plus vite et plus fort dans les groupes de rock. Donc là, c'est quoi ? C'est deux, trois fois par semaine ? C'est tous les jours ? C'est une fois par semaine, mais avec une bonne somme de travail. Avec des exercices à faire à la maison. Avec des exercices effectivement à faire à la maison. C'est Daniel Doumoulin qui est directeur de l'école et qui était mon prof. Toujours. Voilà. Et on était en cours, on était quatre par cours. Et ça aussi, c'était assez stimulant, on va dire, d'être avec d'autres et se dire, c'est pas qu'on se tirait la bourre, mais c'est que, voilà, il fallait travailler la semaine pour arriver la semaine suivante avec les choses acquises ou en cours d'acquisition, quoi. Et voilà, donc c'était vraiment cette optique de renforcer la technique. Et c'est ce qui vous permet aussi de rentrer au conservatoire, c'est ce passage par Agostini ? Certainement, ça je ne sais pas trop l'expliquer, parce que c'est vraiment le conservatoire, c'est l'année suivante, j'ai fait juste un an à Agostini. Le conservatoire c'est l'année suivante et on était nombreux sur la liste et il y avait une ou deux places il me semble et j'ai été pris, donc je ne sais pas d'où ça venait. Mais je pense que je parlais précédemment de cette rencontre avec Damien Lopez et on a passé un été à jouer. Et je pense que voilà, les poignets étaient chauds. Ouais. Et justement, quand on jouait pas en groupe, moi je prenais du temps pour moi pour travailler les morceaux d'entrée. Et j'avais justement, ça c'était chouette, une oreille extérieure. C'était pas que mes parents qui m'entendaient jouer, mais c'était aussi d'autres, des amis, musiciens également. Et je pense qu'ils ont réussi aussi à m'aiguiller dans des endroits où je me perdais un petit peu pour tenter l'entrée au conservatoire et être reçu, quoi. Autre grand moment de la musique, vous nous parliez tout à l'heure de Led Zepp comme un album quand même assez exceptionnel. Celui-là, Rock Bottom de Robert Wyatt avec ce morceau Sissang, quand même un album qui a un peu marqué la musique et pas que celle des années 70, puisque cet album a dû sortir au milieu des années 70, 74, 75, et ça doit être quelque chose comme ça. Oui, je crois que je l'ai noté quelque part, je ne me rappelle plus ces années-là. Pourquoi Robert Wyatt ? Oh, là, c'est la bascule, là. La bascule, c'est... Vous passez du métal à la musique progressive ? Oui, parce que mon père était là-dedans. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours un rapport à mon père, qui est décédé maintenant, mais ça, c'est... Robert Wyatt, c'est la Rock Bottom. Je me suis assis... Enfin, j'ai écouté le disque de loin, comme ça. J'avais pris un disque dans la discothèque de la maison. Je le mets, j'écoute vaguement, comme ça, puis... Qu'est-ce que c'est que ça, quand même ? Je remets, je m'assois et je chiale. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je comprends pas pourquoi je pleure. Et après, j'ai compris que je pleurais parce que c'est tellement beau, c'est tellement... Voilà. Et que ce disque, je l'écoute, il me suit tout le temps. Je l'écoute régulièrement et tout de suite, je suis à deux doigts des larmes. Il m'a bouleversé, ce disque, vraiment. Bon, lui aussi, ce disque-là a une histoire un peu particulière. Il est écrit peu de temps après que Robert Wyatt ait fait un grand saut de l'ange un soir de perdition et de fête. Il est passé par la fenêtre. Simplement, il y avait deux ou trois étages entre lui et le sol à ce moment-là. Et il en est resté paralysé. De batteur qu'il était au départ, il est devenu chanteur et clavier. Cet album-là raconte un peu la dépression qui a suivi cet accident assez tragique. Et effectivement, il y a toute l'émotion que pouvait avoir Wyatt à ce moment-là qui transparaît dans cette musique. Alors pour moi, on sent vraiment le creux de la vague, mais on sent aussi le printemps, quoi. On sent aussi l'éclosion de quelque chose de nouveau. Quand il raconte, enfin, il y a un livre, j'ai lu un livre là-dessus qui est génial. Je me rappelle, j'ai tellement de notes sous mes yeux que je ne sais plus comment il s'appelle, malheureusement. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire de Robert Wyatt et notamment qui s'arrête beaucoup sur ce disque-là. Et Liffy, sa femme, qui l'aide à remonter la pente. Liffy Mylarder. Qui l'aide à remonter la pente, et toute l'histoire de ce disque, de comment est-ce qu'il l'a écrit, quand il parle du fait qu'il était à l'hôpital, qu'il avait toute la musique dans sa tête mais aucun instrument pour la jouer, que finalement il s'est rendu compte qu'à l'hôpital il y avait un piano, il a pu s'y mettre, il a pu entendre ce qu'il avait dans la tête pour de vrai. Tout ça, c'est, c'est un disque qui a émotionnellement parlant, qui est bouleversant. Et effectivement, on sent que ça va pas, mais on sent que ça va aller mieux aussi, quoi. Ce qui va être le cas, c'est le prélude à une deuxième carrière musicale de Robert Wyatt, qu'on avait connu dans les Soft Machines et qui va faire une musique qui encore de nos jours qui marque encore des générations entières. Complètement, mais même lui disait que en rigolant et ironiquement que en fait cet accident l'avait finalement fait prendre le bon chemin de sa vie, quoi. Et ça l'a aidé en fait à se dépasser lui-même, quoi. C'est beau. Pour le rock progressif, comme on disait dans les années 70, et Coltrane pour le jazz, c'est avec ce musicien-là que vous mettez un pied, peut-être même les deux, dans l'univers du jazz ? Complètement. Et ça, c'est grâce au conservatoire, justement. Première année au conservatoire, et notre prof nous dit « achetez tel disque à la FNAC ». Donc il avait des actions. Et voilà, complètement. Et je vais à la FNAC, j'achète Blue Train, je la ramène à la maison. Mon père dit « Ah, mais Coltrane, mais bien sûr, et tout. » Voilà, mes parents. Et c'est là que vous découvrez qu'il en avait une vingtaine. Et voilà, en fait, il y avait du jazz aussi à la maison. Quand même plutôt barré, hein. C'était, voilà. Mais non, et là, c'est la découverte du swing, en fait, et la découverte du hard bop, du bebop, et de toute cette culture que, voilà, j'étais passé complètement à côté avant. Et là, le swing, quoi, le Shabada, et Joe, Elvin Jones, Roy Haynes. Le swing, le drive. Qui est quand même aussi votre marque de fabrique. C'est vrai que pour vous avoir vu une flopée deux fois sur scène avec des groupes, j'allais dire de jazz classique, donc de groupes de bebop, de hard bop, c'est vrai que quand vous partez sur un drive, c'est quelque chose que vous tenez longtemps et c'est ce qui tient. Dans ce style de musique, c'est la colonne vertébrale de tout le reste de ce qui va se passer sur scène. Complètement. Le sens du drive, ouais. c'est tellement, tellement important. Et c'est pour ça, enfin voilà, que là, je me retrouve à faire pas mal de choses différentes. Mais le retour, tu évoquais tout à l'heure Étienne et Georges, Étienne ouais. Manchon et Georges Torrey. Le retour au trio swing, piano... Le retour, il y a ma fille aussi dans le studio qui parle. J'en étais où ? Le retour au standard, ouais. Le retour au swing, c'est quand je dis le retour, en fait, c'est parce que j'ai moins l'occasion de jouer cette musique-là. Mais par contre, dès qu'il y a un standard qui passe, hop, ouais. On accroche l'accroche là et vas-y, on essaye de driver tout ça, quoi. Et, ouais. Et c'est vrai que quand vous dites j'ai moins l'occasion d'eux, faut dire que Puccinella est quand même une aventure au long cours pour vous et que pendant quelques années, vous êtes surtout occupé de tenir la batterie de Puccinella avec plusieurs projets et plusieurs casseroles sur le feu. Il y avait l'aventure Puccinella en quartet, mais ouais. Il y avait aussi les balles que vous avez commencé à donné et qui vous occupe depuis un certain nombre d'années, et puis l'aventure avec Maria Mazzotta. Exactement. Donc ce mélange de compositions de Puccinella avec de la musique traditionnelle, mais aussi des compositions de cette chanteuse et musicienne des Pouilles au sud de l'Italie. Et effectivement, vous n'aviez peut-être pas le temps de faire grand chose d'autre. Le temps, effectivement, parce qu'avec deux enfants au milieu de ça, de tout ça, effectivement, quand on était à la maison, on s'occupe de la famille. Et voilà, mais là, ça revient petit à petit. On réorganise des petites sessions, c'est pas forcément pour faire des concerts, mais juste voilà, se voir et rejouer des standards. Voilà, se dire tiens, là on va faire que du Joe Anderson sur cette session, la session suivante on fera que du Miles, ou voilà ce genre de propos, et c'est bien, c'est super. Pour vous avoir vu en septembre, donc dans cette fameuse carte blanche que vous avez laissé le club de jazz Le Taquin, et donc vous avoir vu jouer avec Étienne Manchon et Georges Stocquet, il y a du plaisir quand on vous voit jouer cette musique-là. On sent que vraiment, c'est un univers dans lequel, même si ce n'est pas votre univers de départ, dans lequel vous avez baigné quand même longtemps depuis que vous êtes au conservatoire, et qui vous plaît. Complètement. Ben, le plaisir, il est intense dans le sens où tout est possible, en fait. Mmh. C'est la vie. La musique, et notamment le jazz, pour moi, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire que à chaque virage, il peut se passer quelque chose dont on ne sait pas trop. Et y a des musiciens avec lesquels on peut jouer qui ne sont pas là pour vérifier les erreurs ou pour dire « Tiens, là, attention, là. » En fait, tout est possible tout le temps. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment génial dans le jazz, dans le swing, et avec les musiciens avec lesquels j'ai l'occasion de partager cette musique. C'est l'improvisation. C'est l'improvisation. L'improvisation, comme le morceau qu'on a écouté en début d'émission de Mowgli, Gros Tétard. Exactement. Qui est une improvisation, j'allais dire collective, vous êtes que trois, mais une improvisation. Allez, avant-dernier morceau de votre liste, Pierre Opollet. Dernier morceau donc de cette liste, Pierre Opollet, et on en arrive à un autre de vos centres d'intérêt, j'allais dire le jazz and funk, avec ce morceau Actual Proof de The Headhunters. Musique que vous reprenez sur scène avec, j'en ai parlé deux trois fois depuis le début de l'émission, avec un groupe qui s'appelle Hancock & Stock. Headhunters, Herbie Hancock, quelqu'un là aussi d'important? Complètement, et important de par la découverte aussi. Je parlais tout à l'heure de Pierre Bozeran, la première rencontre musicale toulousaine, qui lui, pianiste, claviériste, ultra fan de Herbie, gros funky man. donc là, ça, voilà, c'est lui qui m'a fait aussi un peu découvrir ça. Et ce morceau Actual Proof, qui est quand même un morceau, quand on le découvre, qui n'est pas évident à jouer. C'est un peu un cheval de bataille quelque part, et qui est sur ce disque Thrust. Et Actual Proof, je pense qu'on l'a fait, je sais pas combien de grilles on a fait tourner avec Pierre de Actual Proof, à se perdre, à essayer de se rattraper, voilà, c'est complètement fou. Et ça, ça tient à cœur parce que c'est vraiment un souvenir de toute cette période-là. Et toute la découverte, du funk, funk Herbie, funk black des années 70, quoi, Et le fait de pouvoir le rejouer avec Hancock & Stock, justement, on rejoue vraiment les morceaux de cette période-là. Et c'est tellement kiffant, c'est Quand ça tourne, en fait, c'est une machine qui tourne et elle peut ne jamais s'arrêter, c'est pas grave. On a été resté tout à l'heure à vos premières années au conservatoire. Comment se fait la liaison entre le conservatoire et la scène musicale toulousaine dans laquelle vous allez très vite être inclus? Vous le disiez tout à l'heure, lorsque vous jouez avec Magali Pietri, vous avez 18-19 ans. Comment se fait un peu l'arrivée? Bon, vous parliez de Pierre Bozeran qui vous amène voir Magali Pietri, mais comment se fait un peu cette connexion? Ben toujours via Pierre. En fait, le conservatoire, j'ai rencontré des gens là-bas, mais qui étaient plutôt des batteurs. Les musiciens de jazz et de musique improvisée à Toulouse, je les ai encore une fois rencontrés soit via la fac à l'époque, ou soit via Pierre, qui lui faisait la formation longue musicale à l'époque. Et donc c'est la promotion Loris Bertoldi, Julien Babou, Eugénie Hurge, Ferdinand Doumer, c'est cette promotion-là. Ah oui, c'est voilà. Pas n'importe laquelle. Et en fait, le fait d'avoir rencontré Pierre, j'ai rencontré tous ces gens rapidement, et le lien il se fait, alors attention, non, le lien il se fait au bar. Avec voilà. Modération. Avec modération, exactement. Mais voilà, à l'époque c'était les jams Citron Bleu, La Loupiote, c'était jam tous les soirs, quoi. Et même s'il y avait même pas le mandala en faisait des jams. Même le mandala en faisait effectivement, et même quand il n'y avait pas de jam un soir sur Toulouse, on trouvait un endroit pour en faire une, quoi. Ouais. Et passer la soirée et la nuit à jouer. Donc le lien, ouais, finalement il n'y a pas tant de lien que ça entre le conservatoire et le fait d'avoir vite joué sur la scène musicale. Le lien c'est les gens et les rencontres voilà, dans les clubs, quoi. Voilà, The Bad Plus, dernier morceau de votre liste. Pierre Paulet, j'allais dire, exemple parfait du trio moderne, ouais. qui fait suite à un autre grand trio de ces années-là qui est EST. Même période, à peu près avec les mêmes options fonctionnelles du trio, même si c'est pas la même musique, mais c'est les mêmes options esthétiques. Le trio, une forme qui vous permet de vous exprimer complètement et que vous affectionnez plus que tout. Particulièrement, ouais. Le trio, c'est trio piano, contrebasse, piano, batterie. C'est une forme qui me plaît énormément, ouais, effectivement. C'est comment dire, c'est un trio, c'est à la fois bancal et à la fois c'est un terrain de jeu et de découverte constante, seconde après seconde, et de aussi de comment dire, de choix spontanés à faire sur le moment, et aussi de confiance à avoir aux autres. C'est tout ça, en fait. Et c'est de l'écoute. Et de l'écoute, et les oreilles, elles sont ouvertes un maximum. Et voilà. Et c'est vrai que ce morceau-là, Forces, ouais, il s'appelle. Et Bad Plus, ouais. Et voilà, Bad Plus, c'est le trio, il est incroyable. Les compositions, l'écriture est vraiment super belle, super... ça coule de source, quoi. Il y a vraiment cette chose-là. Et ce morceau Forces, pareil, j'adore le morceau s'appelle Force, enfin les Forces, et c'est une espèce de balade très planante comme ça. Et on sent toute la force qu'il y a quand même dans cette composition. Et l'intro, je trouve trop trop belle l'intro de ce morceau. Voilà, et The Bad Plus, c'est un trio que j'écoute beaucoup, ouais. Actuellement, vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes passé d'une période où la batterie s'était tapée le plus fort possible pour amener les musiciens de manière un peu virile vers des musiques qui pouvaient vous brancher à ce moment-là. Vous dites que maintenant vous êtes plus sur des choses plus colorées, plus atmosphériques. C'est une démarche là que vous commencez à entamer ou pas ? On verra ce que l'avenir nous procure. Après, cette démarche, elle est aussi entamée au sein du collectif Petit Travers, avec lequel je travaille, avec le collectif de jongleurs. Et où, là, sur le dernier spectacle qu'on a monté, on est deux sur scène. C'est un jongleur et un batteur. Et le fait d'être déjà seul musicien avec une batterie doit forcément amener justement à essayer de colorer différemment la jungle. La jungle et l'instrument aussi. La batterie, c'est pas seulement un instrument où on tape dessus qui fait du rythme, c'est aussi un instrument où il y a de multiples possibilités sonores, de multiples baguettes qui existent, de multiples façons de taper, de multiples. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a permis d'explorer plus mon instrument. Quand on m'a proposé ça, c'est à l'époque, le fait d'être seul musicien pour accompagner un spectacle de cirque, c'est ça tout de suite que j'ai vu, c'est cette fenêtre-là en me disant tiens, ça va me permettre d'explorer vachement plus profondément mon instrument. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années et que vous continuez à travailler ? Ça fait 8 ans. Ouais. Ça fait 8 ans au sein du collectif, ouais. Même si avec Tabanar, par exemple... C'est l'extrême inverse. On est loin de la finesse. Tabanar, oui, c'est rentre-dedans, on ne peut pas rentrer plus que ça. Complètement. Dedans. Mais après, c'est pas du tout le même style de musique, mais par contre, les codes sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est l'improvisation totale. C'est les oreilles grandes ouvertes, en essayant de ne pas trop se faire mal. Oui, j'allais dire. Avec des bouchons. Oreilles grandes ouvertes avec des bouchons. Voilà. Et donc finalement, non, ce n'est pas du tout le même style de musique. Mais par contre, le fondement et la fondation de l'improvisation, finalement, c'est un peu la même chose, à mon avis. Après, voilà, peut-être qu'avec l'âge aussi, on est un peu moins rock'n'roll ou tout ça. Mais apparemment, ça n'a pas l'air encore de vous avoir touché. Non, pas encore. Tabana, vous n'avez jamais essayé de jouer sur des scènes techno ? On aimerait bien. Après, c'est vrai que c'est un groupe on a fait 4 ou 5 concerts, je pense, avec Tabanar, et on démarche absolument pas. On attend. Si des gens ont entendu parler de ça et ont envie de nous programmer, ils le font. Ouais. Ce qui s'est fait cet été via des copains, justement en Ariège pour un festival. Et voilà, après, on cherche pas forcément à développer ce groupe-là, mais le fait d'être ensemble, c'est super. Ouais, si vous voulez vous faire une idée, allez voir sur Bandcamp, il y a des morceaux de Tabanar qui traînent. La suite pour vous, Pierre Paulet, donc je le disais, vous êtes actuellement en tournée avec cette compagnie, ce collectif de jongle, ouais. Qui s'appelle ? Le collectif Petit Travers. Voilà, Petit Travers. Vous faites beaucoup de spectacles avec eux en ce moment. Il y a un nouvel album de Mowgli qui est sorti il y a à peu près 2 mois, ouais. Qui va vous occuper sans doute aussi un peu. On essaye un maximum que ça nous occupe, ouais, effectivement, en plein démarchage. Et ensuite, la suite, il y a Pucci aussi qui prépare aussi quelque chose. Il y a Lioness Shape, il faut aussi qu'on arrive à donc là, le trio avec Maya Cross au clavier et Manon Chevalier à la voix, et c'est un projet qu'elle porte. Exactement, sur ses ça. Épaules. Et il y a aussi, Pulcinella, il y a une prochaine créa qui est en train de... Enfin, on a déjà rencontré les musiciennes de La Perla, on a déjà fait des choses avec elles. Et là, ce groupe colombien, c'est ça ? Voilà, un trio de chanteuses percussionnistes colombiennes qu'on retrouve, si je ne m'abuse, dans 3 semaines en résidence à Tournefeuille. C'est bientôt. C'est bientôt, et pour enregistrer un disque, et puis voilà, quoi. On va avoir de la nouvelle musique, et là on va répéter un petit peu en amont avec l'équipe de Pulci pour écrire de la nouvelle musique et rentrer en résidence en 3 semaines. Ce qui fait que quand même Pucci, en tant que Pucci, ça fait un petit moment que vous n'avez pas sorti un album simplement de Puccinella. Le dernier, c'était avec Maria Mazzotta, il va y avoir celui-là avec La Perla. Effectivement, là on est, c'est une période où on peut dire peut-être de transition ou quoi, mais en tout cas on est toujours actif. C'est-à-dire que la tournée avec Maria s'est arrêtée. C'est vrai qu'on a eu aussi un petit coup de mou nous, bon, comme tout le monde, hein, j'imagine. Mais on a sorti un disque, ça, voilà, ça, juste avant Covid. Mmh. Donc ça, ça ne nous a pas trop aidé non plus. Et voilà, donc il y a eu cette collaboration avec Maria qui a vraiment bien marché. On aurait bien voulu continuer un petit peu. Elle voulait partir vers d'autres aventures. Voilà, mais il y a toujours le bal, la guerre des boutons, qui est aussi une nouvelle création avec deux accordéonistes, avec Corentin Restif et Florian de Monsan, qui tourne un petit peu, il y a quelques dates cet été. Et cette grosse création avec les musiciennes de La Perla. Voilà. Eh bien, très bien, on viendra vous écouter lorsque La Perla sera en France et avec les concerts qui suivront cette résidence. Et merci Pierre Paulet d'avoir en tout cas accepté notre invitation pour venir nous faire découvrir un peu votre univers musical, celui dans lequel vous vous êtes construit. Merci pour cette heure passée ensemble. Merci à Loïc Laporte d'avoir composer le générique original de cette émission. Merci à Thomas Delafosse d'en avoir réalisé ce 38e numéro. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans pas très longtemps. Salut les filles. Merci beaucoup.